إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans la lecture du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wa Sunnah, et on est arrivé au point numéro 5, Aqsamun Nasi fil Wala'i wal Bara', c'est-à-dire les différentes catégories de personnes par rapport à al wala wal bara', dans al wala wal bara'. Et on a commencé à expliquer dans ce point le fait que Al-Wala wal-Bara dans l'islam doit être établi sur le Tawhid et sur la Aqida du Tawhid. Et on doit aimer et détester, blâmer ou faire l'éloge par rapport justement au Tawhid et par rapport aux principes des fondements de l'islam, et non pas par rapport à un nom de tribu ou un nom de groupe ou un nom de cheikh ou des choses de ce genre. Hein, puis on a mentionné les versets et les hadiths qui parlent de ça au dernier cours à la fin. Donc là, on continue dans cette voie-là. On avait cité une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah par rapport à ça. Maintenant, on continue avec une autre citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 4, à la page 154. Le Cheikh, il dit, « وَقَالَ أَيْضًا الْحَمْدُ وَالذَّمُّ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ والوعد والوعيد والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه أما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. Donc Cheikh al-Islam, il dit la glorification ou la louange et le blâme, l'amour et la haine, la menace et la promesse, le fait de prendre pour allié ou de prendre en animosité, d'aimer ou de détester, et ainsi de suite, et des choses semblables des règles de la religion, elles ne peuvent être appliquée et établie que sur des noms au sujet desquels Allah a fait descendre une preuve, une autorité dans sa révélation. En ce qui concerne des noms qui ont été innovés, alors il n'est pas permis d'établir l'amour et la haine ou la al-wala ou al-bara sur ces noms-là, puisque ils ne sont pas, ce ne sont pas des noms qui sont mentionnés dans la charia, qui sont mentionnés dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire ça, ou d'agir de cette façon, de prendre pour allié, de s'allier ou de détester quelqu'un par rapport à des noms innovés, ça fait partie de légiférer dans la religion d'Allah ce dont il n'a pas donné la permission. Hein, selon, c'est comme si tu inventes dans la religion d'Allah et tu fais des choses qu'il n'a pas permis. Donc c'est des innovations. Et c'est comme le fait de s'aimer ou de se détester par rapport, par exemple, au nom comme As-Soufiya, par exemple. Quelqu'un il va dire, moi j'aime pas les soufis, alors quelqu'un il va le détester pour ça. Ou bien, il va le prendre en animosité parce que la personne dénonce ou critique As-Soufiyya. Alors que As-Soufiyya, il n'y a aucune référence dans le Coran et dans la Sunna de qu'est-ce qui s'appelle As-Soufiyya. As-Soufiyya, ça ne fait pas partie de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Donc on n'a pas le droit d'établir Al-Wala ou Al-Bara en se basant sur ce genre de nom-là, ou ce genre d'appellation-là, puisque ce n'est pas quelque chose qui est établi sur des preuves et des références. Hein, ça, c'est un exemple. Et en plus, quand on regarde dans le terme lui-même, si on prend le terme, par exemple, pour dire, bon, ce terme-là, il pourrait vouloir dire quelque chose de bien ou de mal. Donc, quand on regarde à sa signification et à ses implications, on constate que ça implique des choses qui sont en opposition avec la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le soufisme est basé sur la bid'a. Hein? Et ça, c'est le moindre de qu'est-ce qu'on peut dire sur le soufisme, c'est que c'est établi sur le bid'a, sur la bid'a. Et si on va un peu plus en profondeur dans le soufisme, on constate même qu'il y a du shirk et du kufr dedans. Donc c'est encore plus grave. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que d'utiliser ce genre d'appellation-là, c'est une appellation donc qui ramène à des choses qui sont en opposition avec la charia d'Allah. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas le droit de se référer à cette appellation-là, puisque c'est quelque chose qui implique quelque chose de faux, quelque chose de contraire à l'islam. Hein? Donc c'est la même chose. Et puis si on prend d'autres thèmes, par exemple, qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le fait de se dire salafi, quelqu'un pourrait essayer d'argumenter, comme on l'entend parfois de la part de certains parmi les hizbines parfois, ils disent oui, mais le terme salafi n'est pas écrit dans le Coran. Hein? C'est pas écrit dans le Coran qu'il faut qu'on soit salafi. Donc, c'est la même chose. Et à ce point-là, on ramène les gens à la compréhension de justement qu'est-ce que la salafia signifie, qu'est-ce que le terme salafi lui-même signifie. Hein? Et ça réfère aux sahaba et aux tabi'in et aux tabi'in. Et ça réfère au fait de s'accrocher au fondement de la sunna et du Coran. Et donc dans ce cas-là, c'est quelque chose de vrai. Et ça ne peut être que le vrai. Et c'est pour cette raison-là que, donc, dans ce cas-là, ce terme-là, il n'a rien de péjoratif, il n'a rien de mal, il n'implique rien de qu'est-ce qui pourrait être en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et donc, dans ce cas-là, c'est un terme qui est utilisé et qui est employé par les ulama et qui n'est pas dénoncé par personne d'entre les ulama. Et même parfois, des gens de bid'a essayent de l'employer pour essayer de se donner une crédibilité qu'ils n'ont pas. Donc, ça, c'est la preuve que ce terme-là, il n'est pas. Hein, en contradiction avec la charia d'Allah, et ça bien entendu il faut bien comprendre à condition qu'on a compris sa signification. Et justement à ce point là je voulais mentionner une fatwa justement du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali à ce sujet. Et cette fatwa, elle est tirée de son recueil de fatwa فتاوى فضيلة الشيخ العلامة شيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي et c'est dans la collection qui est sur deux volumes. Donc le premier volume, c'est l'introduction et les questions qui ont rapport avec la Aqidah. C'est publié par Dar al-Muhsin et Dar al-Imam Ahmad. Donc à la page 167, il y a une question qui a été posée au Cheikh. As-su'al, hal at-tasmiyatu bis-salafiyya yuwala 'alayha wa yu'ada? C'est-à-dire, est-ce que le terme salafiyya, est-ce que c'est un nom sur lequel on doit baser notre alliance et notre animosité, et qu'on doit aimer par rapport à ce terme ou à cette appellation, et détester par rapport à cette appellation? Donc cette question-là, à la base, elle a été tirée d'une cassette qu'on a enregistrée. Le titre de la conférence dans cette cassette, c'est « Wujubul i'tisam bil kitab wa sunna », l'obligation de s'accrocher au Coran et à la sunna. Donc le Cheikh Rabi, il répond à cette question-là et il dit « Al-jawab, al-mualat wa al-mu'ada ala kitab illahi wa sunnati rasulillah alayhi salatu wa salam » كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيين وليسوا بسلفيين بل هم خصوم السلفية فالعبرة ليست في الألفاظ العبرة بالحقائق والمعاني. لفظ السلفية لفظ شريف لفظ نظيف، وإذا صدق المسلم في الانتماء إليه قلبا وقالبا باطنا وظاهرا، واعتقد ما كان عليه السلف من عقائد، وصار في طريقهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم ودعوتهم، فنعم اللقب هذا، نعم الوصف، نعم الوصف، ولو خالفه الملتبس به، فيقال للمخالف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن أنا أقصد أو أعرف أن كثيرا من الناس تغيظهم هذه التسمية، لا من أجل اللفظ، وإنما من أجل الجوهر والمعنى الذي ينطوي عليه هذا اللفظ، ولكن لهم أساليب ولهم حيل للتنفير، لا عن اللفظ وإنما عن حقيقته وجوهره ومعناه. فنسأل الله أن يعافيهم من هذا البلاء. Donc le cheikh il explique, il dit que le fait de s'allier ou de se désavouer ou d'aimer ou de détester, ça doit être basé sur le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'appeler eux-mêmes salafis alors qu'ils ne sont pas salafis. En réalité, ce sont les ennemis de la salafia, des opposants de la salafia. Donc le cheikh il dit que le point qui est important de comprendre, c'est pas seulement le nom lui-même, le terme lui-même, mais c'est la réalité qui est derrière ce terme et la signification de ce terme. Qu'est-ce que ça signifie être un salafi et c'est quoi la réalité de la salafia? C'est ça le plus important. Il dit le cheikh que le mot salafia, c'est un terme ou c'est un mot qui est noble et qui est propre. Et lorsque le musulman adhère ou prétend adhérer à cette appellation-là, intérieurement et extérieurement, et qu'il croit réellement en ce que les salafs avaient comme aqidah et comme croyance, et qu'il suit leur voie dans leur façon d'adorer Allah, dans leur façon d'interagir avec les autres, dans leur comportement, dans leur da'wah, alors dans ce cas-là, cette appellation-là et ce nom-là s'applique. Hein? Ce nom-là s'applique dans ce cas-là. Même si, même si la personne qui est en opposition avec la voix des salafs s'oppose à cette appellation-là, on dit à la personne qui se prétend salafi et qui a contredit par exemple la réalité de ce que signifie d'être un salafi, comme on le retrouve beaucoup chez des hizbiyins par exemple, parmi les takfiriyins et d'autres groupes qui ont des tendances, parmi les tendances des khawarij par exemple, et qui veulent se prétendre salafi parfois, hein, comme c'est le cas chez plusieurs, eh bien on dit à ces gens-là, qu'est-ce que Allah dit dans le verset 2 et 3 dans surat As-Saff? Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Hein? C'est une chose qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère de voir que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc vous vous dites salafi mais vous n'appliquez pas les principes et vous ne suivez pas les fondements de la salafia. Donc dans ce cas-là, c'est quelque chose qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Il dit, moi, qu'est-ce que je veux dire? Il dit, je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens, que lorsqu'ils entendent le terme salafia, ça les enrage. Pas à cause du mot lui-même, mais à cause du cœur de la signification de ce terme. Et qu'est-ce que ça implique? Hein? Donc, quand ils entendent le terme salafia, c'est pas le terme lui-même qui les enrage, mais c'est la réalité de ce terme. Qu'est-ce qu'il signifie au fond? Hein, dans son essence, et ils ont des ruses et des méthodes qu'ils emploient pour essayer de faire fuir les gens d'utiliser et d'employer et de se référer à ce terme. Et qu'est-ce qu'ils veulent en agissant comme ça? C'est pas le terme lui-même, c'est la réalité du terme. Donc quand vous voyez par exemple des gens comme certains Hizbiyyin qui sont très populaires en ce moment dans les pays arabes et dans les pays même occidentaux, qui essaient d'éloigner les gens de se référer aux salafis et à la salafia, et qui disent aux gens il faut pas se dire salafi, et qui critiquent les salafis en disant que les salafis ont un mauvais comportement ou des choses de ce genre. La réalité, c'est pas que c'est seulement le nom qui les dérange, c'est parce qu'ils savent très bien qu'est-ce que c'est la réalité de la salafia, que c'est le manhaj des salaf, la aqida des sahaba et des tabi'in et leur méthodologie. Et eux, ils ont la rage contre la méthodologie des salafs. Et ils savent que ce nom-là, hein, ça réfère à ça. Alors, ils essaient de le combattre par tous les moyens. Hein. Et donc, c'est pour ça que, cher, c'est ça qu'il explique. Donc, si c'est par rapport à sa signification, et que quelqu'un, il se réfère à la voix des salafs, ça, il faut aimer et détester, hein, là-dessus. Puisque la réalité de la salafia, c'est l'islam. Hein, c'est de suivre le Coran et de suivre la Sunna et de suivre la compréhension des salaf al-salih et les choses sur lesquelles ils se sont tous réunis. Donc si c'est de ça qu'on parle, de cette signification là dont on parle lorsqu'on parle de la salafia, alors dans ce cas là c'est obligatoire pour un musulman d'aimer et de détester par rapport à ces principes là et à ces fondements là. Toutefois, si c'est quelqu'un qui se dit salafi mais qui a une aqida de takfir, une aqida de khawarij, ou un manhaj de mu'tazila, ou un manhaj soufi, et qui se prétend salafi, eh bien dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui prétend quelque chose mais qui est loin de la réalité. Et donc dans ce cas-là, si c'est ça qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il contredit la réalité de l'appellation, dans ce cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux. Et bien comprendre cette chose-là. Donc, on va revenir maintenant à la parole donc de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il dit donc qu'il n'est pas permis de s'aimer ou de se détester sur des termes innovés, hein, et que celui qui le fait, eh bien, c'est comme s'il a légiféré dans la religion ce que Allah n'a pas permis. Et il faut absolument connaître les limites de ce qu'Allah a révélé sur son messager. Il faut absolument connaître les limites de ce que Allah a révélé sur son messager. Parce que si quelqu'un ne connaît pas les limites de ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna, et il ne connaît pas l'exemple des salafs, alors il ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est innové, qu'est-ce qui n'est pas innové. Ensuite, le Cheikh dit, وقال في قاعدة في المحبة في بيان وجوب أن يكون الدين كله لله ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه ويفرق بين ما فرق الله بينه وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة التي مبناها على المحبة والبغضة فالموالاة تقتضي التحاب والجمع والمعاداة تقتضي التباغض والتفرق والله سبحانه قد ذكر الموالاة والجمع بين المؤمنين في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ثم ذكر حال المستنصرين بهم فإن الموالاة موجبها التعاون والتناصر فلا يفرق بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض مثل الأنساب والبلدان والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير ذلك بل يعطى كل ذلك حقه كما أمر الله ورسوله ولا يجمع بينهم وبين الكفار الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه فإن دين الله هو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله سبحانه أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل وهو الصراط المستقيم وإلى العمل به وإلا وقعا إما في جهل وإما في ظلم انتهى كلامه رحمه الله. Donc, Cheikh al-Islam, il dit dans son livre Qa'idatun fil Mahabba, le volume 1, la page 133, en expliquant l'obligation du fait que la religion doit être pour Allah entièrement, il dit que le mu'min ne peut pas établir la religion pour Allah entièrement, excepté lorsqu'il a réuni ce que Allah a ordonné qu'on réunisse et qu'il a diviser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on divise et qu'on sépare. Donc la personne, le croyant, il doit réunir ce que Allah a ordonné de réunir. Il doit réunir entre lui, il doit s'unir entre lui et les choses que Allah a ordonné d'unir. Et il doit se séparer lui-même de ce que Allah a ordonné de ce dont il doit se séparer. Donc il doit établir ça dans sa religion. Et le cheikh, il dit que ça, c'est la réalité du fait d'aimer et de détester, qui est établi sur justement l'amour et la haine. C'est en réalité al-muwala ou al-mu'ada, le fait de prendre pour allié et le fait de prendre en animosité. Et il dit que al-muwala, ça veut dire l'amour et l'union. Et al-mu'ada, ça implique la haine et la division et la séparation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait d'être allié, le fait d'être affilié, de s'aimer et d'être uni entre les croyants dans le verset 55 de la sourate Al-Ma'ida. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que votre allié n'est autre que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager et ceux qui ont cru, qui établissent la salat, donnent la zakat alors qu'ils sont inclinés. Et il mentionne également l'animosité entre les croyants et les kuffars dans le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres. Et ceux d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Et Allah ne guide pas les peuples injustes. » Puis ensuite, le cheikh, il dit que ensuite Allah a mentionné l'état de ceux qui appellent ou qui prennent le secours qui demandent le secours des autres. Et il a mentionné que le fait de prendre pour allié quelqu'un et de prendre en alliance et d'aimer quelqu'un, ça implique le fait de collaborer entre nous. Et lorsque tu dis que tu as pris quelqu'un pour allié, ça implique quoi? Ça implique que tu collabores avec lui, que tu t'entraides avec lui, que tu vas travailler, que vous allez travailler mutuellement à vous entraider et à vous défendre les uns les autres lorsque l'un a besoin de la protection ou de la défense de l'autre, et ainsi de suite. Et le cheikh, il dit que les distinctions qui existent entre les croyants, par lesquelles ils peuvent se distinguer les uns des autres, ne doivent pas être des causes de division entre eux. Et il mentionne comme exemple les liens de parenté, les origines des pays, ou le fait qu'ils aient des alliances par rapport à certaines écoles de fiqh, ou certaines voies, ou certains liens d'amitié qu'ils ont entre eux. Ils ne doivent pas se diviser et se séparer par rapport à ces choses-là. Et il mentionne ensuite, il dit que chacun doit donner de ces choses-là par rapport à son droit, au droit qu'il a par rapport à ce que Allah et son messager a ordonné. Donc tu ne vas pas te désavouer ou te séparer de ton frère musulman parce qu'il n'est pas du même pays que toi, ou de la même origine que toi, hein, ou du même madhab dans le fiqh que toi, hein, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est pas permis. Et de la même façon qu'on n'a pas le droit non plus de s'unir avec des koufars, justement pour les mêmes raisons. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas le droit de s'unir. Le cheikh dit, on n'a pas le droit d'unir les croyants avec les koufars, alors que Allah a coupé tous les liens d'amitié et d'alliance qui existent entre eux et les croyants. Et comme par exemple quelqu'un qui voudrait prendre pour allié les koufars parce que ces koufars sont du même pays, ou de la même origine, ou de la même tribu, ou du même madhab, ou des choses de ce genre. Hein? Quand on dit du même madhab, c'est pas... Il y en a, par exemple, quelqu'un qui prétendrait, par exemple, faire partie de telle ou telle école, ou de telle ou telle origine. Donc, si c'est pas des musulmans, on n'a pas le droit de s'allier avec eux. Et il mentionne, il dit que parce que la religion d'Allah, c'est le droit chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin sur qui Allah, c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs ou les témoins, et les pieux et les vertueux. Et ceux-là sont des bons compagnons. Et Allah a envoyé ses messagers avec des preuves claires. Et il a envoyé avec eux des livres et une balance pour établir la justice entre les hommes. Alors le croyant, il a besoin de connaître la justice. Et c'est le droit chemin. Hein? Et il a besoin de l'appliquer et d'agir selon cette justice. Sinon, il va soit agir par ignorance ou soit agir avec injustice. Hein? Donc s'il a de l'ignorance, il va agir par ignorance ou bien il va agir par injustice, hein, s'il a la connaissance mais qu'il ne l'applique pas. Hein. Donc ça c'est l'explication pour dire que le croyant, il doit avoir la science de ce qui a été révélé par Allah et il doit, une fois qu'il a la science, la mettre en application pour justement ne pas faire de l'injustice. Et le cheikh il dit « وَلِذَلِكَ فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ يُخَالِفُونَ فِي مَا يَجِبُ لِلنَّاسِ يخالفون فيما يجب للناس من حق الولاء والبراء أهل البدع من الخوارج والمرجئة فيقسمون الناس فيما يجب من الولاء والبراء إلى ثلاثة أقسام. Donc là maintenant on voit un point qui est très, très important qui a rapport justement à l'application de al-wala wal-bara. Et il dit que al-wala wal-bara, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui lèvent la main. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps si vous levez la main. Je ne vais pas répondre à ces questions, à aucune question. Donc, le cheikh il dit « وَلِذَلِكَ فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَ يُخَالِفُونَ فِي مَا يَجِبُ لِلنَّاسِ مِنْ حَقِّ الْوَلَاءِ وَالْبَرَاءِ » Donc, les gens d'Ahlus Sunnah, ils contredisent. Ils contredisent les gens de Bid'ah par rapport à ce qui est obligatoire à donner aux gens comme droit en ce qui a trait à Al-Wala Wal-Bara. Et on contredit les gens de Bid'ah, en particulier les Khawarij et les Murji'ah, hein, par rapport à Al-Wala Wal-Bara et ce qui est obligatoire d'appliquer vis-à-vis de ce principe-là. Et c'est pour ça qu'on divise les gens en trois catégories. Hein? Les Khawarij ne divisent pas les gens en trois catégories. Et les Murji'a non plus. Ça, c'est une des caractéristiques de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Parce que les Khawarij et les Murji'a, ils considèrent qu'il n'y a que deux catégories. Les croyants et les koufars. Hein? Pour eux, les pécheurs sont des koufars. Donc, ils les excluent. Et pour les Murji'a, ça c'est pour les Khawarij. Pour les Murji'a, eh bien les pécheurs sont des mu'mines, sont des mu'minines. Donc ils les mettent que dans, les, dans la catégorie des mu'minines, peu importe. Dans le sens que quand on dit des mu'minines, des, pour eux, les, pour les murji'a, les pécheurs sont des mu'minines avec la foi complète et parfaite. Hein? Il n'y a pas de pécheurs qui auraient une foi plus faible. Hein? Donc pour eux, il n'y a pas trois catégories, il n'y a que deux catégories. Puis on va voir comment Ahlus Sunnah wal Jama'a ont opposé justement ces deux groupes de bid'a par rapport à cette question-là. Donc le Cheikh dit Al-Qism al-Awwal, man yuhabbu mahabbatan khalisah, la mu'ada ma'aha. وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين ثم زوجاته أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc le Cheikh il dit que la première catégorie, et ça on retrouve cette explication dans le livre Al-Wala wal-Bara du Cheikh Saleh Al-Fawzan, justement. Donc il dit la première catégorie, c'est ceux qu'on aime d'un amour pur, hein, avec aucune animosité avec. Hein, ceux-là, on les aime d'un amour complet, sans aucune animosité dedans. Et ceux-là, c'est les croyants purs, parmi les prophètes, les véridiques, les témoins et les vertueux. Et à la tête de ceux-là, on compte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il est obligatoire de l'aimer de la plus grande forme d'amour, hein, hein, de la plus grande forme d'amour après, hein, bien entendu, après Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut l'aimer plus qu'on aime notre personne, nous-mêmes, et plus qu'on aime notre enfant ou notre parent ou les hommes au complet. Donc ça, il faut, hein, aimer le messager d'Allah pour Allah. Hein? On aime le messager d'Allah pour Allah et on l'aime plus que nous-mêmes, soi-même, et plus que nos parents, plus que nos enfants et plus que tous les hommes. Ensuite, il y a l'amour des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont nos mères, hein, les mères des croyants. Et aussi les gens de la famille du prophète parmi les croyants. Et également, hein, donc nous on aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, on les aime parce que ce sont des croyants premièrement, donc on les aime pour Allah et en même temps aussi à cause du lien de parenté qu'ils ont avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui font qu'ils ont un droit de plus, hein, sur nous. Et contrairement aux Rafida qui prétendent que nous on les aime pas, hein, qui prétendent que nous on les aime pas, et ça c'est un grand mensonge, parce qu'au contraire on les aime, mais en même temps on va pas faire comme les Rafida qui pour eux, si tu les adores pas en dehors d'Allah, que tu les prends pas comme des idoles, ou que tu les adores pas et que tu fais pas du shirk avec eux en associant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Allah dans l'adoration, comme eux ils font par exemple lorsqu'ils les invoquent ou lorsqu'ils crient leur nom quand ils ont des moments de détresse ou lorsqu'ils vont à leur tombe, hein, et ils vont leur faire des tawaf autour de leur tombe ou bien leur demander de l'aide ou des choses de ce genre, alors que alors qu'ils sont morts, ça c'est du shirk. Donc si c'est ça qu'ils veulent mentionner comme exemple d'amour de Ahlul Bayt, de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille, eh bien dans ce cas-là, nous on dit non, ça c'est de l'exagération, c'est pas de l'amour. Ça c'est du rouleau, hein, c'est de l'extrémisme. Non, nous on aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, pas avec Allah. Et c'est ça qui est important de comprendre. Ensuite, la même chose aussi pour les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les aimer. Tandis que les sahaba, eux, les rafidats les détestent. Les rafidats détestent les sahaba. Et ils les insultent. Et ils pensent que ça fait partie de la religion de les détester et de les insulter. Donc, en particulier les quatre grands khulafa et quatre khulafa rachidin. Eux, il faut les aimer de façon plus particulière parce que ce sont les meilleurs d'entre les sahaba, et en commençant par Abu Bakr, puis Omar ibn Khattab, puis Othman ibn Affan et Ali radiallahu anhu et radiallahu anhum ajma'in. Hein, donc on les aime ceux-là parce que c'est les quatre plus grands, les quatre meilleurs d'entre les sahaba, tandis que les rafida, eux, ils les détestent et ils les déclarent kuffars. Comme ils déclarent kuffar le reste des musulmans, excepté 4 ou 5. Hein? 4 ou 5 d'entre les sahaba. Donc, nous, Ahl Sunna, au contraire, on les aime, hein, et on les respecte. Et donc, le reste également des 10 qui ont été promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ashra al-mubashirina bil-jannah. De même qu'on aime les muhajirines et les ansar de façon plus particulière, et aussi de façon plus particulière les gens de Badr, les gens parmi les musulmans qui ont participé à la bataille de Badr, ils ont des mérites particuliers. De même que les musulmans qui ont fait partie de ceux qui ont fait l'allégeance al-Aqaba, Bay'atul Ridwan, qui ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit-là, ceux-là aussi, ils ont un mérite spécial et particulier parce que Allah a parlé d'eux dans le Coran et il a dit qu'il est satisfait d'eux. De même qu'il a dit qu'il est satisfait des muhajirines et des ansar et qu'il est satisfait des gens de Badr. Tout ça, c'est mentionné dans des textes. De même qu'il faut aussi aimer tous les sahaba sans exception. Puis ensuite, il faut aimer les tabi'oun, hein, et les gens des trois, les trois meilleures générations parmi les salafs de cette umma et les imams de cette umma, comme les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, et de même que les autres grands imams des salafs avant et après eux. Puis tous les musulmans, tous les croyants, en commençant par les meilleurs et en descendant, on doit tous les aimer. Le cheikh il dit, et il mentionne comme preuve de ça le verset dans Sourate Al-Hashr, le verset 10, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, après avoir mentionné les muhajirines et les ansar et après avoir cité certains de leurs mérites, il dit, et ceux qui viennent après eux, ils disent, c'est-à-dire ça c'est nous, hein, c'est-à-dire ceux qui viennent après les muhajirines et les ansar, c'est-à-dire les croyants qui sont venus après et on fait partie de ceux-là, ils disent, notre Seigneur, pardonne-nous, hein, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs de l'animosité pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes miséricordieux et où tu es certes indulgent et miséricordieux. Donc ça c'est les preuves à ce sujet-là. Puis le cheikh il dit ensuite, وقد نقل الحافظ بن حجر عند قوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله في باب حلاوة الإيمان شيئا من معنى الحب في الله فقال في فتح الباري قال يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء انتهى كلامه. Donc ici, le cheikh il dit que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a mentionné dans l'explication du hadith que yani, parmi les choses qui font que la personne goûte à la douceur de la foi, parmi ces éléments-là, il y a, parmi les trois choses, il y avait que la personne aime quelqu'un, mais elle ne l'aime que pour Allah. Hein? Et le cheikh, il dit que il y a une parole qui a été mentionnée dans Fath al-Bari, dans l'explication de ce hadith, par Al-Hafiz ibn Hajar à ce sujet. Il a cité les paroles de Yahya ibn Mu'ad qui a dit que la réalité de l'amour en Allah, ou de l'amour, oui c'est ça, la réalité de l'amour en Allah, c'est qu'elle ne va pas augmenter par rapport à la bonté, et elle ne va pas diminuer par rapport à la dureté. Hein? Ça c'est la fin de la citation. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la réalité de l'amour en Allah, c'est qu'elle ne va pas augmenter par rapport à la bonté, et elle ne va pas diminuer par rapport à la dureté? C'est que tu vas pas aimer quelqu'un juste par rapport au fait qu'il est gentil avec toi, puis que tu vas pas détester quelqu'un uniquement parce qu'il est bête ou dur avec toi. Hein? Parce que l'amour en Allah, c'est que tu aimes quelqu'un par rapport au fait que cette personne-là, elle est obéissante à Allah et qu'elle fait, hein, qu'elle fait ce que Allah lui ordonne. Et que tu vas détester quelqu'un, pas par rapport à un intérêt ou un bien quelconque que tu retiens ou qui te découle de cette personne, mais que tu la détestes par rapport à des désobéissances qu'elle fait envers les ordres d'Allah. Donc, ton amour et ta haine de quelqu'un, ça ne doit pas être basé sur tes intérêts à toi, ça doit être basé sur, en fait, la position ou l'attitude de la personne par rapport aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui doit déterminer, pas des intérêts ou des biens que tu en retires. Donc, comme par exemple, si tu vois quelqu'un, par exemple, qui est gentil avec toi, mais qui est sur la désobéissance d'Allah, puis que tu l'aimes uniquement parce qu'il est gentil avec toi, dans ce cas-là, tu ne l'aimes pas pour Allah. Tu l'aimes parce que la personne est gentille. Hein? Et quelqu'un, tu le détestes uniquement parce qu'il est dur avec toi, mais la personne, c'est un bon croyant, et elle obéit à Allah et s'écarte des péchés. Et tu la détestes pour ça, pour la dureté qu'elle a, pas par rapport pas parce que la personne, elle désobéit à Allah. Alors dans ce cas-là, tu la détestes pas pour Allah, tu la détestes pour toi-même. Hein? Et donc, ça c'est un point que beaucoup de gens n'ont pas compris par rapport à l'Wala ou al-Bara. Et je me rappelle même un jour, j'ai rencontré un frère musulman que je connaissais depuis longtemps, mais allez, c'est pas quelqu'un qui fait des efforts pour apprendre comme il faut sa religion. C'est quelqu'un qui est surtout occupé par le commerce, parce que c'est quelqu'un qui est préoccupé par le commerce, il fait beaucoup de commerce, et malheureusement, bon, il néglige par rapport à la connaissance et l'apprentissage de sa religion. Alors, une fois, il m'a dit, parce qu'il fait souvent des commerces avec des chrétiens, des juifs ou d'autres, et il a dit, moi je préfère un kafir qui est honnête et qui est gentil, hein, qui fait des bons commerces avec moi, parce qu'il est, il respecte ses engagements, à un musulman qui, par exemple, est pas correct avec moi, ou qui respecte pas ses engagements, ou qui est mauvais dans ses transactions ou dans les choses comme ça. Et ça, c'est une contradiction avec les principes de l'islam et avec les fondements de Al-Wala ou Al-Bara. Parce que le mu'min, même s'il fait des fautes, même s'il fait des péchés, même s'il désobéit ou il manque à ses engagements, il est toujours meilleur et tu dois toujours l'aimer plus que le kafir, même si le kafir, il est respectueux de ses engagements et honnête dans ses engagements. Hein? Parce que tu le détestes pour son kufr. Tandis que le mu'min, tu l'aimes pour sa foi. Hein? Et s'il a des péchés, comme on va le voir, eh bien tu détestes ses péchés. Hein? Et tu le détestes pour ses péchés aussi, mais étant donné qu'il a quand même la base de la foi, tu ne peux pas le détester comme tu détestes le kafir. Parce que ça c'est... Le kufr c'est plus grave que les péchés. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فإل مانسيون cette parole dans مجموع الفتاوى il dit فأما الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه وسلطانه كتابه فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي وصف كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي وصف كان. Hein? Ça c'est quelque chose, beaucoup de gens ils ont de la difficulté à comprendre ce principe. Le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh l'Islam dans Majmou' Fatawa le volume 28 à la page 228. Ibn Taymiyyah il dit en ce qui concerne l'éloge et le blâme, la gloire et le blâme, l'amour et la haine, l'alliance et l'animosité. Le cheikh il dit que ces choses-là doivent être établies uniquement sur une preuve qui a été révélée d'Allah. Et la preuve en question, c'est son livre, c'est-à-dire sa révélation, le Coran et la Sunna. Donc il dit, celui qui est croyant, il est obligatoire de le prendre pour allié, et de l'aimer. Peu importe la description qu'il a, la caractéristique qu'il a. Et le kafir, il est obligatoire d'avoir de l'animosité envers lui et de le détester, peu importe la caractéristique ou la catégorie, l'aspect qu'il a. Donc ça veut dire que si, par exemple, le mu'min, il a des problèmes dans son comportement, tu dois le prendre quand même pour un allié et l'aimer pour Allah. Hein? Tandis que le kafir, peu importe sa caractéristique, même s'il est honnête, même s'il est franc, même s'il est juste et poli, hein? Du moment qu'il est kafir, tu dois le détester par rapport à son kufr. Peu importe la caractéristique qu'il a en dehors de ça. C'est-à-dire que tu retournes à la base par rapport à ça. Et tu aimes le mu'min et tu détestes le kafir. Il y a des gens qui disent, parmi les francs-maçons par exemple, beaucoup de gens parmi les gens qui ont été influencés à notre époque par la franc-maçonnerie et des choses de ce genre, et ils ont des idées humanistes. Ils se basent sur l'humanisme et ils disent qu'est-ce qui est important, c'est pas la religion. Il y a des bons dans toutes les religions, puis il y a des mauvais dans toutes les religions. Tu vas voir un chrétien, il y en a des chrétiens qui sont gentils, il y en a des chrétiens qui sont méchants. Tu vas voir des musulmans, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon? C'est pas sa religion. C'est sa personne elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait de bien ou de mal, ou qu'est-ce qu'elle a comme bien en lui-même ou de mal. Et ça, c'est complètement faux. Hein? Et l'islam rejette complètement ce principe-là. Parce que, hein, comme on l'a expliqué, Tu dois aimer pour Allah et détester pour Allah. Et si la personne est croyante, qu'elle est sur le tawhid, et qu'elle fait des péchés ou qu'elle fait du mal, hein, tu l'aimes pour Allah, tu l'aimes pour son tawhid, tu l'aimes pour sa foi. Hein. Que même si cette personne-là, elle fait des péchés, mais quand même, malgré tout, le bien qu'elle fait, elle le fait pour Allah, elle ne fait pas pour d'autres. Tandis que le kafir, même si il est honnête, il est gentil, il est bon, il est franc, il ne fait pas de mal à personne, comme ils disent. Hein? Il ne vole pas, il ne tue pas, il ne fait pas de mal à personne. Mais il fait du mal à lui-même. Hein? Il fait de l'injustice à lui-même, parce qu'il rejette la foi en Allah. Mais ça, ils ne le prennent pas en considération. Et ils font la plus grande injustice, qui est le shirk. Qui est le kufr, qui est le plus grand mal. Donc ça, ils ne prennent pas en considération. Et ils disent, hein, il ne fait pas de mal à personne, et Yanni, il est gentil, il est bon, il est honnête. Mais cette personne-là, qui est bon et qui est honnête, elle est bonne pour qui? Et elle fait ça pour quoi? Est-ce qu'elle fait ça pour que les gens disent d'elle, elle est bonne, ou elle est honnête, hein? Ou bien elle le fait pourquoi? Pour la satisfaction personnelle de sentir que les gens vont dire d'elle qu'elle est bonne, qu'elle est honnête. Donc elle ne fait pas ça pour Allah. Elle fait ça pour elle-même. Elle fait ça pour obtenir de la gloire, obtenir des éloges, obtenir peut-être même une satisfaction personnelle de faire le bien pour avoir des mérites. Ou bien elle fait ça parce qu'elle a peur de la police, ou elle veut avoir une renommée, une bonne réputation, hein? Ou bien peut-être même pour se faire pardonner d'un mal qu'elle a fait envers quelqu'un ou envers des gens. C'est peut-être un mal que la personne a fait que les gens ne savent même pas, mais qu'elle, elle vit avec ça dans sa conscience. Elle veut, hein, elle veut être comme si rachetée de ce mal-là, alors elle fait du bien. Pas par rapport à Allah, mais par rapport à sa conscience, ou plein d'autres raisons comme ça. Donc elle ne le fait pas pour Allah, elle le fait pour autre que Allah. Et ça c'est shirk. Quand tu fais des œuvres pour autre que Allah, ça c'est du shirk aussi. Donc, la personne qui fait du bien, mais qui ne fait pas du bien pour Allah, eh bien son bien n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. Et au jour de la résurrection, il n'aura aucune récompense pour ça. Tandis que le mu'min, hein, qui croit au tawhid, mais qui a une foi faible et qui fait des péchés, quand il fait du bien, il le fait pour Allah. Allah va le récompenser pour ça, même si c'est peu. Hein? Et s'il a des péchés, eh bien, inshallah, son tawhid et sa foi vont compenser pour les péchés qu'il a. Et si la personne mérite un châtiment quelconque par Allah pour justement faire en sorte qu'elle soit purifiée de ses péchés, eh bien, même si elle entre en enfer pour un certain temps, elle ne va pas demeurer éternellement dans l'enfer. Tandis que le kafir, lui, eh bien, s'il rentre en enfer, c'est fini. Il ne sortira plus jamais parce que, justement, il n'avait pas la foi dans le cœur. Il n'avait pas le tawhid. Il n'avait pas l'iman, la base, hein? Il n'avait que le kufr. Et il reniait Allah avec fierté et arrogance. Et quand on lui mentionnait l'obéissance à Allah et l'adoration d'Allah, il s'enflait d'orgueil et devenait orgueilleux et fier et arrogant, et il refusait même, hein, de remercier Allah pour quoi que ce soit de ce que Allah lui donne, hein? Ou bien il remerciait d'autres que Allah avec Allah. Et il se prosternait à d'autres que Allah. Et il priait à des morts, ou à des prophètes, ou à des anges, ou à des saints, ou à des tombes, au lieu d'adorer Allah seul. Donc où est-ce qu'il est le bien là-dedans? C'est ça la différence. Hein? Toi tu dis l'autre il est gentil, il est bien, il vole pas, il tue pas, il fait pas de mal, il est juste, il est honnête dans ses transactions. Sauf qu'il fait tout ça pour une idole, ou il fait tout ça pour un prophète, ou un ange, hein? Ou Jésus, ou Marie, ou une croix, ou yani, un animal, ou un singe, hein, ou yani, quelque chose en dehors d'Allah. Tandis que le mu'min, peut-être qu'il fait du mal parfois, peut-être qu'il n'est pas honnête parfois, hein, et ça c'est des graves péchés, c'est des choses que l'islam interdit, mais Allah est pardonneur et miséricordieux, hein, et Allah est grand. La personne, cette personne-là qui fait des fautes, quand elle fait du bien, elle le fait que pour Allah. Et qu'elle remercie, quand elle a quelque chose qui vient d'Allah, elle remercie que Allah. Elle ne remercie pas d'autre que Allah. Et elle accepte les bases, et la base de la foi, les principes fondements de la foi. Elle n'a pas d'orgueil envers Allah, et d'arrogance de se prosterner devant Allah. Donc ça, c'est une grande différence entre le mu'min et le kafir. Hein? L'autre, tu lui demandes, c'est qui est-ce qui t'a créé? Il dit non, moi il n'y a personne qui m'a créé. Moi je suis venu tout seul comme ça par hasard. C'est le Big Bang qui m'a créé. Hein? Ou bien il va te dire non, je crois que c'est l'univers, la nature qui m'a créé. Hein? Donc celui-là, même s'il fait tout le bien au monde, il n'a même pas voulu reconnaître l'existence de son créateur. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va le... hein, va le récompenser. Jamais de la vie. Hein. Et il ne sera jamais égal, celui-là, avec le mu'min. Même si le mu'min, il a toutes les fautes du monde. Hein. Donc, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, l'humaniste, celui qui te dit l'important, ce n'est pas la religion. Non, ce n'est pas vrai, ça. Pourquoi tu es bon? Est-ce que tu es bon pour plaire aux gens, pour avoir une bonne réputation? Ou bien tu le fais parce que tu veux une récompense au jour de la résurrection? Mais si tu ne crois même pas en la résurrection, hein, et tu ne crois même pas en Allah, alors pourquoi tu fais le bien? Faire le bien ou le mal, dans ton cas, c'est la même chose. Hein? Tu demandes à ce kafir, mais pourquoi tu fais le bien? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le mal? Si quand tu vas mourir, tu vas aller à la même place que celui qui fait le bien. Si tu fais le mal, tu crois que tu vas aller à la même place que celui qui fait le bien, parce que tu dis, après la mort, il n'y a rien. Donc, à quoi ça sert dans ce cas-là? De faire le bien ou de ne pas faire le mal? Puisque la conclusion des deux, c'est la même. Et le résultat des deux, c'est le même. Alors, où est-ce qu'elle est la logique dans le fait de dire qu'il faut être bien ou honnête? Hein? Et c'est grave, parce que même dans la dunya, les kuffar, ils ont même établi des punitions pour ceux qui désobéissent à leurs lois. Hein, aux lois qu'ils ont faites. Et aux lois, même parfois qui sont des lois qui sont établies par l'islam et par Allah. Que si quelqu'un il vole et qu'il l'attrape, ils le mettent en prison. Pourquoi ils disent pas non, on va pas le mettre en prison, on va le laisser en liberté. Et tous ceux qui font des crimes, on va les laisser à égalité avec ceux qui font pas de crimes. Mais que quand c'est le temps de juger par rapport à qu'est-ce qui se passe après la mort, ils disent non, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Dans l'au-delà, tout le monde est à la même place. Ça, c'est pas logique. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, les preuves de ça, il dit, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصادقين والصديقين والشهداء والصالحين بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فجعلهم إخوة مع وجوب الاقتتال والبغي. Donc le cheikh il continue, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, dans cette parole il mentionne des versets à ce sujet qui prouve ça, que vos alliés sont uniquement Allah et son messager et ceux qui ont cru, qui établissent la salat, qui donnent la zakat et qui donnent la zakat et qui sont inclinés et qui s'inclinent devant Allah. Hein? Et ceux qui prennent pour allié Allah et son messager et ceux qui ont cru, alors certes le parti d'Allah est celui qui aura la victoire. Hein? Donc Allah n'a pas dit que vos alliés, ça va être Allah et son messager et ceux qui ont cru et ceux qui ont un bon comportement. Hein? C'est-à-dire que c'est pas juste ceux qui ont un bon comportement, tu vas dire, même si c'est des koufars, même s'ils ne sont pas des mu'minoun, je vais les prendre pour alliés parce qu'ils ont un bon comportement envers moi. Non, Allah, il a dit, et ceux qui ont cru, hein? Et qui établissent la salat et qui donnent la zakat, et ainsi de suite. Et c'est eux qui sont nos alliés, pas les koufars, même si les koufars sont des gens qui font des bonnes actions, parfois. Donc le cheikh il dit ensuite un autre verset dans Surat Al-Ma'ida, qu'on a mentionné tout à l'heure, le verset 51, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres. » Et le verset 71 dans Surat Al-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les croyants et les croyantes, ils sont alliés les uns des autres. Et le cheikh, il dit que ensuite, ceux qui ont en eux-mêmes de la foi et du péché, de la désobéissance ou de la perversité, eh bien, on leur donne de la, on leur donne notre alliance selon leur foi, la foi qu'ils ont, et on les déteste selon, par rapport à leur péché. Donc on les aime d'un point de vue, puis on les déteste d'un point de vue. Mais ils ne sortent pas de la foi entièrement à cause des péchés et des désobéissances qu'ils font, contrairement à ce que disent les Khawarij et les Mu'tazila. Parce que les Khawarij et les Mu'tazila, eux, ils les excluent complètement de la foi. Ils disent que si tu fais des péchés, tu deviens kafir. Hein? Tandis que les gens de Ahlus Sunnah, ils ne disent pas ça. Et il dit qu'en même temps non plus, on ne va pas mettre les prophètes, les véridiques, les témoins ou les martyrs et les gens vertueux au même degré que les pervers parmi les pécheurs. Hein? On va pas les mêmes on va pas les mettre au même degré dans la foi, la religion, l'amour et la haine, l'alliance et l'animosité. Parce qu'ils ne sont pas au même degré, contrairement aux Murji'a. Parce que pour les Murji'a, les prophètes, hein, et les vertueux, et les hommes pieux, et les véridiques, et ainsi de suite, pour eux, sont au même degré que les soulards, que les gens qui font le zina, qui volent, qui font plein de péchés. Pour eux, les prophètes et les autres sont au même degré dans la foi. Et pour eux, la foi, elle diminue jamais et elle augmente jamais. C'est la même foi qui est fixe et stable chez tous les hommes. Hein, chez tous les gens qui ont la foi, ou chez tous les croyants, pour eux, tout le monde a la même foi. Les prophètes et les soulards et les pervers, hein, et les pécheurs, pour eux, c'est tous la même. Ça, c'est un égarement aussi. C'est une bid'a aussi. C'est la bid'a des Murji'a. Hein? Et le cheikh, il dit, il mentionne la preuve qu'il faut faire la distinction entre les croyants et les pécheurs, mais qu'en même temps, les pécheurs ne sont pas en dehors de la foi. Il mentionne le verset 9 et 10 dans Surat Al-Hujurat qui prouve ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans ce verset, il dit, et si deux groupes parmi les croyants se combattent les uns les autres, alors faites la réconciliation entre les deux. Donc ça, c'est la preuve que deux groupes de croyants peuvent se combattre, peuvent faire la guerre ensemble, un contre l'autre. Donc ça implique qu'ils vont se tuer, qu'ils vont se blesser, qu'ils vont se faire, hein, du mal les uns les autres. Mais malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des croyants. Hein? Donc ça, c'est la preuve que le fait de tuer, c'est pas kufr. C'est pas quelque chose qui fait sortir de la religion. Et le fait de se combattre, c'est pas quelque chose qui fait sortir de la religion non plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des frères. Innama al-mu'minuna ikhwa. Malgré qu'ils se combattent, ils sont des frères. Hein? Malgré qu'ils se transgressent les uns contre les autres, ils sont quand même des frères. Ça veut dire que l'injustice qu'un croyant fait contre un autre croyant, ça ne lui enlève pas la caractéristique ou le fait d'être un frère. Qu'est-ce qui enlève la caractéristique d'être un frère? C'est le kufr et le shirk. Ça, si quelqu'un a du kufr ou du shirk en lui, alors à ce moment-là, il n'est plus considéré comme un frère, il est considéré comme un kafir, hein, un ennemi. Et le cheikh, il dit, « ولهذا الأصل صار شعار أهل السنة والجماعة تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة لأنهم حملة الدين الذين جاهدوا في سبيل إعلاء كلمته فلا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه الشيخان وإنما ذلك كذلك لنصرتهم هذا الدين. Donc le cheikh il dit que c'est pour ça que c'est devenu un des symboles et un des emblèmes de Ahlus Sunnah wal Jama'a, le fait de respecter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après les sahaba, parmi les salafs de cette umma, ceux qui ont porté cette religion et qui ont lutté dans le chemin, dans le sentier, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit le cheikh il dit que celui qui déteste, il dit nul ne déteste les sahaba et les salafs de cette umma parmi ceux qui ont de la foi dans leur cœur. Et donc ça veut dire que celui qui déteste les sahaba et les salafs de cette umma, ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi dans leur cœur. C'est seulement les gens de la déviation et de l'hypocrisie, du nifaq, et les ennemis de l'islam qui détestent les sahaba et les salafs de cette umma. Comme par exemple les rafidah et les khawarij. Et le cheikh il mentionne le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui mentionne que le signe de la foi c'est l'amour des ansars et le signe de l'hypocrisie c'est la haine des ansars. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique. Et le cheikh il dit, et pourquoi c'est un signe de la foi de les aimer, un signe d'hypocrisie de les détester? C'est parce qu'ils ont défendu la religion d'Allah et ils ont fait tous les sacrifices au monde pour défendre cette religion-là. Donc si quelqu'un les déteste, il y a un problème avec sa foi. Parce que c'est pour ça qu'il les déteste. Il les déteste parce qu'ils ont défendu la religion d'Allah. C'est ça la réalité. Et donc les rafidah, les khawarij qui les détestent pour ça. Le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والمعتزلة أيضا تفسق الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف فلهم من الطعن في علماء السلف في علم وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض والسني في اصطلاحهم لا يكون رافضيا وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh ici, cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il mentionne que les Mu'tazila, ça c'est le volume 4 à la page 154, il dit que les Mu'tazila, il déclare les sahaba fussaq et un groupe d'entre les tabi'in aussi, et ils insultent et ils attaquent un groupe d'entre eux parmi eux. Et la raison pourquoi ils les détestent, pourquoi ils détestent les sahaba et pourquoi ils détestent plusieurs d'entre eux, c'est à cause des hadiths qu'ils ont rapportés qui sont en contradiction avec leurs opinions et leurs passions. Il dit que yani bal tukaffir aidan, donc il déclare également kuffar toute personne qui sont en contradiction avec leurs fondements C'est-à-dire que si parmi les musulmans, parmi les gens d'Ahl-Sunnah, quelqu'un contredit leur fondement, le fondement des Mu'tazila, eh bien, ils le déclarent kafir. Ils le déclarent kafir. بل تكفر أيضا من خالف أصولهم. Donc toute personne qui a contredit leur fondement parmi les salafs et les khalafs, ils les déclarent kuffars. Et ils ont plein d'attaques et d'insultes contre les ulama des salafs et contre leur science, contre la science des salafs. Et les gens d'Ahl Sunnah n'ont pas ça. Donc les Mu'tazila, ils se moquent de la science des salafs, ils se moquent des hadiths, et ils se moquent de la science de la sunna, de la religion. Pour eux, c'est la raison qui est importante, c'est la logique, soi-disant. La base, c'est la philosophie pour eux. La logique de Platon et d'Aristote, ça, c'est la science pour eux. Et si ils trouvent dans le Coran ou dans la Sunna des choses qui sont en contradiction avec leur fondement à eux, soi-disant rationnel, eh bien, ils prennent ça en raillerie et ils se moquent de ça. Et ils insultent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'on a suivi la voie et la méthodologie des salafs. Et eux, ils n'ont pas pris la voie des salafs comme principe et comme symbole. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est quoi? C'est que ceux qui sont connus, célèbres parmi les groupes de bid'a, de façon générale, parmi les gens qui sont considérés comme faisant partie des gens d'Ahl Sunnah, ils ne suivent pas la voie des salafs. Ils ne suivent pas la voie des salafs. Et ici le cheikh Ibn Taymiyyah, il veut faire la distinction en fait entre ceux que des gens considèrent comme faisant partie de ceux qu'on appelle sunnis, mais qui ne sont pas sur la voie des salafs. Donc en réalité ce sont des gens de bid'ah, mais les gens ne considèrent pas nécessairement que ce sont des gens qui font partie des sectes d'égarement. Comme par exemple les Asha'ira, les Maturidiya, les Soufiya, ou bien les Mu'tazila, ou des groupes de ces catégories-là. Les gens vont dire ou pensent que ce sont des sunnis, parce que pour eux, comme le cheikh il dit, pour eux, qu'est-ce qui est le plus connu parmi tous les groupes et les sectes comme étant des groupes de bid'ah, les plus connus d'entre eux sont les Rafidah. Il dit que c'est arrivé à un point que même le commun d'entre les musulmans, parmi les gens d'Ahl Sunnah, ils considèrent comme faisant partie des symboles les plus apparents de la bid'ah, ils ne considèrent que le rafd, c'est-à-dire la bid'ah des rafidah. Et pour eux, le sunni, c'est toute personne qui n'est pas rafidi. Donc ils s'imaginent que depuis que tu n'es pas un rafidi, chi'i rafidi, automatiquement tu es un sunni. Même si tu suis des fondements et des principes qui sont en contradiction avec les fondements des salafs, et que tu fais des bid'ah. Pour eux, les autres sectes ne sont pas des sectes de bid'ah, ou des sectes déviées, des groupes d'égarement. Et donc, pour eux, les Mubtadi'a, c'est seulement les Rafidah. Parce que eux, c'est eux qui ont le plus de contradictions par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport à la signification du Coran, et c'est également eux qui ont le plus d'attaques et d'insultes contre les salafs de cette Ummah et contre les imams de la Ummah. Tandis qu'il y a plein d'autres sectes également qui sont considérées par les gens en général comme faisant partie des sectes sunnites, comme on dit parfois, mais qui sont également en train d'insulter et d'attaquer la Sunna et les salafs, et qui ne prennent pas la voie des salafs comme voie à suivre. Et donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Donc فَلَمَّا كَانُوا أَبْعَدْ, donc étant donné que les rafidah étaient les plus loin de par rapport au fait de suivre les salafs, donc ils sont ceux qui sont les plus célèbres ou plus connus par rapport à la bid'ah, comme étant des gens de bid'ah. Et il dit فَعُلِمَا أَنَّ شِعَارَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ, donc qu'est-ce qu'on a su, c'est que le yani, qu'est-ce qui caractérise, qui symbolise le, les jeunes bid'a, c'est le fait d'abandonner la, le suivi des salaf et de suivre les salaf. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad ibn Hanbal, dans son, dans sa risala de Usul Sunnah, qui a été rapportée par Abdus ibn Malik, il commence par la phrase que les fondements de la sunna pour nous, c'est de s'accrocher à ce sur quoi se tenaient les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les fondements de la sunna, ça commence par ça. Hein? Et c'est ça qui distingue fondamentalement Ahl Sunna wal Jama'a de toutes les autres sectes. Que ce soit les Asha'ira, Maturidiyya, hein, ceux qui sont considérés par des gens comme étant les plus proches d'Ahl Sunna, ce sont les Asha'ira et les Maturidiyya. Et pourtant, ils contredisent les Salaf dans plusieurs des fondements de la Aqidah, comme les noms et les attributs d'Allah, et comme également Al-Qadar, et comme également le Tawhid, et comme également Al-Iman, la signification de Al-Iman, et plein d'autres aspects aussi de la foi. Et la même chose avec les Mu'tazila, et les Khawarij, et les Soufiya, et ainsi de suite. Ils contredisent tous les Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs fondements, hein, de, des fondements de la religion. Donc ça, c'est la fin de la parole et de la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, il dit وتعجب إذا رأيت بعض الذين يسمونهم بالمفكرين من المعاصرين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أحدهم يجعل خلافة عثمان رضي الله عنه فجوة ويرى أن الثورة عليه من قبل الخوارج وأمثالهم تمثل روح الإسلام ويتهم معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما بالنفاق وشراء الذمم ثم تعجب العجب كله حين ترى من يزعم أنه من الدعاة إلى الله على منهج السلف ويزعم أنه من أهل الولاء والبراء والغيرة على الدين ينشر ويربي الناشئة على كتب أمثال هذا الرجل بل يجعلونه إمام هدى يقرن بين شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب فرحم الله الإمام فرحم الله الإمام أحمد حين قالوا للميمون في من تكلم في معاوية رضي الله عنه اعتقاد في كتابه اعتقاد أهل السنة ما لهم ولمعاوية أسأل الله العافية أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. Donc le cheikh il mentionne, il dit sois étonné lorsque tu vois que certains de ceux qu'on appelle les penseurs contemporains parmi les soi-disant penseurs islamiques, hein, se mettent à attaquer et à insulter les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple tu vois l'un d'entre eux qui parle du khilafa de Uthman radiyallahu anhu, du règne de Uthman lorsqu'il était khalifa, et qu'il dit de son khilafa que c'était un espace comme un trou, hein, ou comme un vide entre le khilafa de Omar et le khilafa de Ali radiyallahu anhuma, radiyallahu anhum ajma'in. Donc il parle du khilafa de Uthman en disant que c'était comme un vide ou un trou entre les deux. Hein, donc il fait complètement, il annule complètement son khilaf, hein, il le fait tomber complètement. Hein? Alors, yani, subhanallah, ça c'est la parole de qui? C'est la parole c'est la parole des Khawarij et la parole des Rafida. C'est pas la parole de Ahl Sunnah de faire tomber le khilaf de Uthman, radiyallahu anhu. Et de même qu'il considère que ceux qui ont fait la révolte contre Uthman parmi les Khawarij, hein, et leurs semblables, c'est eux qui représentaient l'esprit de l'islam à son époque. C'était pas Uthman radiallahu anhu qui représentait l'esprit de l'islam, c'était les Khawarij de l'époque. Ça, c'est C'est Qutb qui dit ça dans son livre, dans ses livres. Hein? Et il également, il accuse Muawiyah ibn Abi Sufyan et Amr ibn al-As d'hypocrisie, de nifaq, hein? Et de corruption. Donc tu t'étonnes. D'un étonnement total lorsque tu vois que certains parmi les du'at à notre époque qui prétendent être sur la voie des salafs, hein, et qui prétendent vouloir faire partie des gens de Al-Wala ou Al-Bara et qui ont de la jalousie pour la religion, et puis ils élèvent les jeunes et ils incitent les jeunes à lire les livres de cet homme, de Sayyid Qutb. Ils incitent les gens à lire les livres de Sayyid Qutb et ils se prétendent suivre la voie des salafs. Et ils font de Sayyid Qutb un imam dans la religion. Et ils le comparent aux deux cheikhs de l'islam, Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc vous imaginez, hein, la disproportion, comment ils exagèrent et comment ils égarent les jeunes. Parce que des fois même ils publient des livres et dans ces livres-là, tu vois, ces Hizbiyyin, là ils mettent dans le livre, ils mettent une partie sur Ibn Taymiyyah, une partie sur Muhammad ibn Abdul Wahhab et une autre partie, il mentionne le nom de Sayyid Qutb et il le met à égalité avec ceux-là. Ou bien tu trouves des livres parfois de ces Hizbiyyin, ils te mettent des livres de Sheikh Ibn Baz, de Sheikh Ibn Uthaymeen, de Sheikh Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, puis ils te mettent dedans, parmi ces noms-là, ils citent Sayyid Qutb dedans. Yani, subhanallah! Et le cheikh, il mentionne en note de bas de page, il dit que Sayyid Qutb, c'est cette personne qui, c'est, il dit wa huwa Sayyid Qutb alladhi qala anhu ba'd du'at biladina innahu lam yatakallam fi ma'na la ilaha illallah mithluhu wa ma'a anna kibar ulama'i 'asrina kal Albani wa Ibn Uthaymeen rahimahumullah sarrahu bi annahu qad qarrara fi tafsirihi al-qawl bi wahdati al-wujud وقد ثبت عندي ولم أسمعه من طريق اثنين من الثقات أنهم سمعوا في مجلس واحد شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يقول عن سيد قطب والله لولا الورع لكفرته. Donc le cheikh il mentionne, il dit que c'est celui dont je mentionne les paroles à propos de qu'est-ce qu'il a dit de certains sahaba, ça c'est Sayyid Qutb. Et certains du'at, certains prêcheurs de notre pays, ils parlent de l'Arabie Saoudite, ils parlent des Sururi en Arabie Saoudite, des Qutbiyyin. Ils disent certains d'entre ces prêcheurs-là ont dit personne n'a mieux parlé de la ilaha illallah ou de la signification de la ilaha illallah que lui, en parlant de Sayyid Qutb. Allah musta'an. Donc il y a des prêcheurs parmi les Sururi, Qutbiyyin, les Ikhwan de l'Arabie Saoudite, qui ont glorifié Sayyid Qutb au point de dire cette parole-là à son sujet. Et ça, c'est de l'ignorance et c'est un mensonge. Hein? De dire qu'il n'y a personne qui a mieux parlé de la signification de la ilaha illallah que Sayyid Qutb, ça, c'est le contraire de la vérité. Et malgré que, le cheikh dit, malgré que parmi les plus grands savants de notre époque, comme Cheikh Al-Albani et Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres, hein, ils ont dit clairement et explicitement que Sayyid Qutb, dans son tafsir, il mentionne la aqidah de Wahdatul Wujud. Et il déclare la aqidah de Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, c'est la aqidah des extrémistes parmi les soufis qui croient que tout ce qui existe est Allah. Et que Allah est tout. Et qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Hein? Dieu est la créature et la créature est Dieu. Donc ça, c'est du kufr et du shirk. Hein? C'est la pire forme de kufr et de shirk qui existe. Donc, eux, ils comparent, ils comparent Ibn Taymiyyah et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à Sayyid Qutb, et ils disent que personne n'a mieux expliqué la signification de la ilaha illallah que Sayyid Qutb, alors que Sayyid Qutb, quand il explique la ilaha illallah dans son tafsir, fi dhilal al-Qur'an, l'explication de surat al-Ikhlas, il déclare la aqida de Wahdatul Wujud des extrémistes parmi les soufis et les jahmiyyah. Ça, c'est une aqida de kufr. Hein? Donc, le cheikh dit que ça, c'est les plus grands savants qui disent ça. Tandis que ce prêcheur saoudien, hein, Sururi Qutbi, il dit ça. Et après, yani, il y a des ignorants et des égarés parmi les soi-disant spécialistes de l'islam, comme ils les appellent, comme Samir Amghar et d'autres, qui mettent ces prêcheurs-là dans la catégorie des salafis ou des savants salafis. Allah al-Musta'an. Ou bien d'autres également, comme l'autre, comment il s'appelle, Stéphane Lacroix, qui est un docteur en sciences politiques à Paris, qui écrit des livres sur les Hezbollahs de l'Arabie Saoudite et qui les glorifie et qui font leur éloge et qui les classe parmi les salafis ou des choses de ce genre. Et qui mentionne que Aïd al-Qarni fait partie des salafis ou des choses de ce genre. Ou Salman al-Auda, ou Safar al-Hawali, ou ces catégories de prêcheurs d'égarement en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est des exemples. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit que Cheikh al-Albani, Cheikh ibn Uthaymeen ont mentionné que Sayyid Qutb a déclaré la aqidah de Wahdat al-Wujud. Et le cheikh, il dit que c'est quelque chose qui a été confirmé même de la part de deux personnes fiables. Il dit, je ne l'ai pas entendu moi-même, mais deux personnes honnêtes ont mentionné qu'ils étaient assis avec Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen et qu'ils parlaient de Sayyid Qutb, et que Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen a dit à son sujet, si ce n'était que de la réserve que j'ai, si ce n'était de la réserve que j'ai, je l'aurais déclaré kafir. Mais il se retient pour éviter de tomber dans quelque chose qui est pas tranché ou clair pour lui. Il a évité de le déclarer kafir, mais sinon il mérite d'être déclaré kafir à cause de cette croyance en wahdatul wujud, qui est une croyance de kufr, mais il ne le déclare pas kafir. Donc il dit, et lorsque j'ai lu moi-même, le cheikh Issam ibn Abdullah al-Sinani qui est allé voir cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, il dit je lui ai lu les paroles de lamma qara'tu alayhi ala shaykhina Muhammad ibn Uthaymeen, il dit je lui ai lu mon livre. Il a écrit un livre qui s'appelle L'innocence des savants de la Ummah, de faire la tazkiya des gens de bid'a et des gens du blâme, des gens blâmés. Donc il dit je lui ai lu les paroles de ces Qutb et je lui ai lu mon livre et il a fait les éloges de mon livre. Il a dit du bien de ce livre-là. Mais il s'est excusé. Parce que le cheikh Issam, il a demandé au cheikh Ibn Uthaymeen d'écrire un commentaire dans son livre ou de faire une révision de son livre ou quelque chose comme ça. Et le cheikh, au début, il a refusé. Il a dit, moi, par Allah, je t'aime et je te respecte. Mais j'aime pas rentrer dans ces choses-là. Walakin la uhib, il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, inni wallahi la uhibbuk wa uqaddiruka wa u'izzuka, walakin la uhibbu ad-dukhul fi hadhihi al-umur. Donc il dit, moi j'aime pas rentrer dans ces affaires-là. Le Cheikh Issam lui a répondu, il lui a dit, inni as'aluka billah, law dhahaba hadha al-jayl wa ja'at al-ajyal al-qadima, فقالوا من عصر سيد قطب من علماء الأمة؟ فقيل ابن عثيمين وابن باز وقد سكتوا. فكم من الأجيال اللاحقة ستضل بسكوتكم؟ فتلون وجه الشيخ وقال بقوة اعتني الكتاب. فأخذه وبعد يومين رد الكتاب بعد قراءته والتوقيع عليه والتوقيع على فتاواه فيه وكتابة عبارة على خاتمته تراها في المتبوع منه. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque le cheikh a refusé, il a dit je veux pas rentrer dans ces affaires-là. Qu'est-ce qu'il a dit au cheikh? Il lui a dit, je te demande par Allah. Il a dit au Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, je te demande par Allah. Si cette génération meurt, puis que viennent d'autres générations après, et qu'ils demandent qui a été contemporain de ces kutub parmi les ulama de la Ummah, et qu'on répond que c'était Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz, et ils se sont tus, ils n'ont rien dit contre lui. Alors, combien des générations qui vont suivre vont être égarées à cause de votre silence? Alors, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, le visage du Cheikh est devenu rouge. Comme si, c'est comme si hein, son visage a changé de couleur. Et il a dit avec force, il a dit, donne-moi le livre, donne-moi le livre. Alors, le Cheikh a pris le livre et il lui a remis. Après deux jours, après l'avoir lu, et après avoir signé toutes les fatwas qui étaient mentionnées dans le livre, et il a également écrit un commentaire qui est mentionné à la conclusion de ce livre, que tu peux trouver dans la version qui a été publiée de ce livre-là, c'est-à-dire le livre qui s'intitule Bara'atul ulama ou Bara'atul ulama al-umma min tazkiyati ahli al-bid'ah wal-madhamma. Hein? Donc ça, c'est une miséricorde d'Allah qui a fait que justement Cheikh Ibn Uthaymin, avant sa mort, puisse clarifier sa position par rapport à cette kutub et mentionner ses égarements et mettre en garde contre lui. Hein? C'est une miséricorde pour le Cheikh et c'est une miséricorde pour la Ummah au complet, hein? De ce genre de choses. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le Cheikh dit وَلَا يَفُوتُ التَّنْبِيهِ على أنه قد كانت بين سيد قطب وبين العلامة محمود شاكر رحمه الله ردود ومساجلات حول قدحه في الصحابة رضي الله عنهم وذكرت في كتاب جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر وانظر كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الذلال للشيخ عبد الله الدويش وكتاب أضواء على عقيدة سيد قطب للشيخ ربيع المدخلي وكتاب براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة لتعريف حقيقة من يجعل الولاء والبراء على الأشخاص دون النظر فيما وقعوا فيه من البدع والضلالات. Donc, le شيخ الزي que également il ne faut pas manquer de mentionner le livre, plutôt les échanges qui ont eu lieu entre Sayyid Qutb à son époque et Mahmoud Shakir, le grand savant Mahmoud Shakir à son époque, et les réfutations et les réponses qui se sont passées, les échanges qui se sont passés entre eux au sujet de ces attaques et de ces insultes des Sahaba, hein, radiyallahu anhum. Et on les retrouve dans le livre Jamharatu Maqalat al-Ustad Mahmoud Muhammad Shakir. Et également de voir, regarder dans le livre du Cheikh Abdullah al-Duwaysh qui s'intitule Al-Mawrid al-Zulal fi al-Tanbih ala Akhta al-Zilal. Il a mentionné les erreurs qui sont dans Zilal, dans le tafsir de cette kutub. C'est un très bon livre. Et il y a aussi le livre Adwa ala Aqidat Sayyid Qutb, écrit par le Cheikh Rabi al-Madkhali, et également le livre du Cheikh Issam al-Sinani qui s'intitule Bara'atu ulama al-umma min tazkiyati ahli al-bid'ah. Et si on lit ces livres-là, on voit la réalité de ceux qui veulent mettre ou établir al-wala wal-bara sur des individus sans regarder ce sur quoi se tenaient ces individus-là comme bid'ah et ce qu'ils avaient comme égarement. Hein? Donc ça, c'est un point très très important. Et le Cheikh, il dit ensuite, il dit que Allah fasse miséricorde à l'imam Ahmad lorsque il a dit à Al-Maymouni au sujet de celui qui a parlé à propos de Muawiyah et qui a insulté Muawiyah ou dit du mal contre Muawiyah radiallahu anhu, il a dit dans son livre I'tiqad Ahl al-Sunnah, le volume 7 à la page 1252, c'est-à-dire de l'imam Al-Lalaka'i, il dit qu'est-ce qu'ils ont avec Muawiyah, hein? As'alullah al-afiya. Il dit ô Abu al-Hassan, l'imam Ahmad il dit ô Abu al-Hassan, il dit Abu al-Hassan, si tu vois quelqu'un qui mentionne d'un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose de mal, alors accuse-le dans son islam, accuse-le dans son islam, hein? remet en question son islam. C'est ça que ça veut dire. Doute de son islam. Et il y a une autre parole de, justement, de l'imam Ahmad à propos de Muawiya, justement, par rapport à ceux qui parlent contre lui. On a mentionné à propos de Muawiya et de Omar ibn Abdul Aziz. Omar ibn Abdul Aziz, qui était un des khulafa qui est venu après Muawiya. Et Muawiya, c'est un sahabi. Donc, quelqu'un a demandé à l'imam Ahmad, qui est meilleur? Est-ce que c'est Omar ibn Abdul Aziz ou bien Muawiya? Donc, subhanallah, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, l'imam Ahmad a répondu, il a dit, la poussière qui est en dessous des pieds de Muawiya, elle est meilleure que Omar ibn Abdul Aziz. Parce que c'est la poussière qui a été dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est quelque chose qu'il a marché avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un mérite que rien ne peut égaler. Le fait d'être un sahabi, c'est un mérite que rien ne peut égaler parmi les mérites qui peuvent exister. Donc, de parler contre un sahabi, c'est déjà un grand signe d'égarement. Et les salafs, ils ont parlé de ça. Ensuite, le cheikh, il dit, wa rahima imam al-jarh wa ta'dil Yahya ibn Ma'in, hina yaqul tarikh ibn Ma'in, riwayat al-Duri, kullu man yashtumu Uthman أو طلحة أو أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال شيخنا العلامة صالح الفوزان وذكر حديث البخاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب في كتابه الولاء والبراء وأشد الناس محاربة لله من عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم وتنقصهم. وقد صارت معادات الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة، نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه ونسأله العفو والعافية. انتهى كلامه. Donc le cheikh termine en disant que également que Allah fasse miséricorde à l'imam du Jarh al-Ta'dil, l'imam Yahya ibn Ma'in parmi les salafs, lorsque il a dit dans son livre Tarikh ibn Ma'in, dans le livre Tarikh ibn Ma'in Riwayat al-Duri, Yahya ibn Ma'in a dit, toute personne qui insulte Uthman ou Talha ou un d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dajjal et on n'écrit rien de lui. Et sur lui est la malédiction d'Allah et des anges et de tous les hommes. Donc ça c'est la parole de Yahya ibn Ma'in, un des imams parmi les imams des salafs. Et notre cheikh, le cheikh Salih al-Fawzan, il mentionne le hadith de l'imam al-Bukhari, celui qui s'oppose à un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. Qu'est-ce qu'il dit, le Cheikh Al-Fawzan, dans son livre Al-Wala wal-Bara, à la page 32, il dit, les personnes qui contre lesquelles Allah est le plus en guerre, ou ceux qui déclarent plus la guerre contre Allah, ou sont plus en guerre contre Allah, ou avec Allah, c'est la personne qui oppose les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui les insulte et les rabaisse. Et le cheikh, il dit que cette attitude-là est devenue un comportement, le fait d'avoir de l'animosité contre les sahabas et de les insulter, c'est devenu une religion, une croyance pour certains groupes d'égarement. Et qu'Allah nous préserve de sa colère et de son châtiment douloureux, et on demande à Allah le pardon et sa clémence. Donc ça, c'est la fin de cette parole. Donc ça, c'est ce qui vient clarifier ce point-là. On a expliqué donc la première catégorie parmi les catégories des gens vis-à-vis de Al-Wala wal-Bara, c'est ceux qu'on doit aimer de façon totale et complète. Hein? Et c'était les Sahaba et ceux qui les ont suivis, ceux qui les ont suivis parmi les Salafs. Maintenant, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on continuera les deux dernières catégories, ceux qu'on doit détester de façon complète, hein, et de ne pas les aimer du tout, ce sont les kuffars. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qu'on doit aimer d'un point de vue et détester d'un point de vue. On va clarifier ça la semaine prochaine, puis on commencera quelques points du sixième point, qui sont des principes dans la compréhension de Al-Wala ou Al-Bara qui implique de réfuter certaines des shubuhat du takfir au sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera bi'ivnidla la semaine prochaine là-dessus. Sinon demain on a notre dars sur kashf al-shubuhat, le sharh, inshallah. Donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.